Oui FM. Secrets in this life that I can't hide. Somewhere in this darkness, there's a light that I can't find. Well, maybe it's too far away. Well, maybe I'm just blind. Maybe I'm just blind. J'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau s'est transformée en pyrogravure.

les meilleures nouveautés rock sont sur Oui FM. Last Train, The Plan. Dans Apocalypse Now sur Oui FM, on parle rock et cinéma. Aujourd'hui, Deadpool et Wolverine. Dans ce troisième volet de la saga, pour sauver son univers, le super-héros le plus trash de Marvel doit retrouver Wolverine à travers un nombre infini de multiverses. C'est pas gagné. C'était d'autant moins gagné que Hugh Jackman avait tiré sa révérence du rôle en 2017 dans le film Logan. T'étais un X-Men, putain, t'étais Wolverine. Dans mon monde, c'était un héros. Ouais, mais... dans le mien, c'est une merde. Son retour a donc mis en émoi toute la communauté MCU. Autant vous dire qu'il n'avait pas intérêt à foirer la scène du comeback. Elle prend place dans un décor apocalyptique pour une baston d'anthologie entre Deadpool et Wolverine. Et la BO se devait d'être à la hauteur. Dont acte avec Hell's Bells d'ACDC. Le morceau est un hommage à Bon Scott, le chanteur du groupe décédé suite à un coma éthylique quelques mois plus tôt. Hell's Bells commence par un son de cloche aujourd'hui iconique. Mais pas moyen d'honorer la mémoire de Scott avec un son issu d'une bibliothèque d'effets sonores. ACDC décide donc d'utiliser une vraie cloche. Après de nombreux essais infructueux, le groupe en fait fabriquer une d'une tonne en bronze, encore utilisée aujourd'hui sur scène. Mais comme elle n'est pas prête au moment de l'album, le groupe envoie 15 micros à la fonderie pour en capter ce qui existe. L'enregistrement est ensuite mixé et ralenti pour sonner non plus comme une cloche d'une tonne, mais comme une cloche de 2 tonnes, encore plus inquiétante. Et au cinéma, tout ça fonctionne très très bien. Apocalypse Now, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Retrouvez toutes les versions longues d'Apocalypse Now en podcast sur wfm.fr. We'll be right back. Oui FM. Oui FM partout. Téléchargez l'appli Oui FM gratuitement. Oui FM, la radio du rock. Thank you. WeFM. Du rock. FM. What else should I be? Oh. salt. Everything is my fault. I'll take all the blame. Apathy from shame. Sunburn, freezer burn. Nouveautés rock sont sur Wii FM. Almost Monday, she likes sports. Thank you.

Constantly used to have a ball, used to do it everywhere. We never do it at all. Anymore. IFM, la radio du rock. nouveautés rock sont sur Oui FM. Pogacar Crash Control, Don't Get Sore. Sound like no sound. WeFM, DAB+, sur le web et l'appli gratuite. WeFM, la radio du rock. We all say what we all say. Try to cause a big sensation. Just talking about not generation. Cause we could get around. Things ain't through the awful cold. Might die before I get old. Feels exactly like a great idea. And we try to sit still and feel it all, but we'd rather run away than feel it all. You know, I can't say no. Doing everything we can to increase the noise, and we don't care if it's trash that fills the void. You know, FM. Your

FM. Oui, FM. Nouveautés rock sont sur Oui FM. MC'ste Kia, Empire of Love. Yeah. radio du rock. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Summer has gone. Radio du Rock. Here we go with riff one. Did you ever get the feeling that there's something come undone? An unreeling in the seeming, the stitching gone. So you rip a little harder till that rip becomes a run. Feel

For like once in your life, listen to me.